Les quatre derniers poèmes choisis sur Ronsard sont tirés de divers recueils. Invocation à la mort. Que ta puissance, ô mort, est grande et admirable. Rien au monde par toi ne se dit perdurable. Mais tout ainsi que l'onde avale des ruisseaux, fuit le pressant coulement de l'autre qui la suit, ainsi le temps se coule, et le présent fait place au futur importun qui les talons lui tracent. Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau, et rien de sous le ciel ne se voit de nouveau. Mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir quand la forme à une autre s'en va. Ainsi, avec Vénus, la nature trouva moyen de ranimer, par longs et divers changes, la matière restant, tout cela que tu manges. Mais notre âme immortelle est toujours en un lieu, au change non sujette, assise auprès de Dieu, citoyenne à jamais de la ville éthérée qu'elle avait si longtemps en ce corps désiré. Je te salue, heureuse et profitable mort, des extrêmes douleurs, médecin et confort. Quand mon heure viendra, déesse, je te prie, ne me laisse longtemps languir en maladie, tourmentée dans un lit. Mais, puisqu'il faut mourir, donne-moi que soudain je te puisse encourir, ou pour l'honneur de Dieu, ou pour servir mon prince, navré d'une grande plaie au bord de ma province.